Bonjour à tous, c'est 100% Union, comme tous les lundis, de 18h à 19h sur Arc-en-Ciel. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union portugaise, c'est tous les lundis, de 18h à 19h. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar, mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostava, desempenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei no Rivoli. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Vous êtes bien sur Arc-en-ciel, donc 100% Union, comme tous les lundis. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Federico, un des deux coachs des U17, donc avec qui on reviendra sur le match des U17 de ce week-end. Et puis, on parlera plus globalement de leur saison, justement, aux U17. Bonjour à toi, Federico. Bonjour. Donc, avant de parler plus particulièrement des U17, on va revenir, je vais revenir du coup sur les matchs du week-end. Donc, avant tout, je salue Yousra qui peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais me charger des scores du week-end. Premier résultat, donc premier match qui a eu lieu samedi après-midi, donc une assez lourde défaite pour nos U15. Qui se sont inclinés 11-1 face à l'entente l'entente RCBB, donc de Bouzy-les-Bordes. Donc on va écouter l'analyse du coach qui n'était pas tout à fait satisfait de la prestation de ses joueurs, et on peut le comprendre. Je suis en compagnie de Sébastien, coach des U15 aujourd'hui. Lourde défaite pour nos joueurs. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique ce mauvais résultat et cette mauvaise prestation de tes joueurs ? Non, challenge. Ils n'ont pas voulu jouer. Ils n'ont pas écouté du tout ce qu'on leur a dit. Ils avaient l'occasion d'être au moins quatrième ce soir. Ils n'y sont pas. Mauvaise période. Tout a été mauvais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quand même ressortir un aspect positif, ou il y a vraiment tout à recommencer à partir de ce match ? Non, à partir de ce match, il faut tout refaire et qu'on soit nous déjà plus sévères, parce qu'on a trop laissé et on s'en rend compte. Là, du coup, c'était votre dernier match de la saison. Vous commencez déjà, du coup, à partir de la semaine prochaine, à envisager la saison suivante ? Dès mardi, on va refaire tout en sorte pour que la saison prochaine soit meilleure. Et ouais, on va tout faire en sorte avec Anthony pour reprendre de nouveaux joueurs et reformer une très très belle équipe. Ok, merci Sébastien. Donc voilà. Je suis en compagnie. Non. Voilà pour les U15. Donc seul buteur sur cette rencontre, Tony. Donc avec cette défaite, nos U15 terminent donc 7e sur 8 au classement général des U15. Donc pardon. Donc voilà. Donc ce samedi, les coachs avaient aussi comme Sébastien l'avait évoqué ici la semaine dernière, donc ils avaient attribué un prix au meilleur buteur. Donc le meilleur buteur pour les U15, c'était donc Amadou. Félicitations à lui pour ses buts. Et puis bon, on espère qu'ils vont repartir sur des meilleures bases pour les prochains matchs. Donc ensuite suivait le match des U17, donc on en reparlera ensuite avec Federico qui est là avec nous ce soir. Et on avait finalement hier un match des seniors, donc hier après-midi au stade Beltest, défaite 5-3 de nos seniors face à Sully-sur-Loire. Donc on va écouter aussi tout de suite le coach des seniors, David. Oui, un match, une défaite, 5-3. On avait bien entamé le match pourtant, un bon pressing, on les a pressés haut, on a récupéré les ballons haut, ça nous a permis de créer les occasions et de mener rapidement au score. Nous derrière, on a fait quand même pas mal, beaucoup d'erreurs défensives. Après une belle équipe de suivre, mais maintenant on est dos au mur, il faut gagner nos 3 derniers matchs pour avoir une chance de se maintenir. Donc on va travailler, on va essayer de gagner ces 3 derniers matchs en les prenant comme des finales. Donc voilà pour nos seniors. Donc avec cette défaite d'hier, ils se retrouvent, ils continuent à la 8e place du classement. Donc on espère, comme l'a dit David, des 3 victoires sur les 3 prochains matchs. On salue Amadi et Shahid, double buteur sur la rencontre d'hier. Ensuite, concernant le week-end précédent, donc un match qui n'a pas été joué puisqu'il y a eu un forfait de l'équipe adversaire, donc de Darvois pour l'équipe 3 des U11, donc victoire 3-0. Et pareil pour nos U19 qui n'ont pas eu à jouer face à ce mois. Pareil, l'équipe visitante a déclaré forfait. Donc avec ce forfait, nos U19 se retrouvent donc à la 2e place. Ils sont encore à 5 points de Mandoré. Donc la double confrontation qui approche là entre nos U19 et Mandoré risque d'être décisive pour le classement, en tout cas pour la première place pour nos U19. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite à nos joueurs. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on avait aussi le match des U17, donc une victoire 2-1 face à Ingré. Donc Federico, comme tu es là avec nous ce soir, tu vas pouvoir nous faire un petit débrief de cette victoire de samedi de tes joueurs. Alors, déjà, je suis très content des U17. Ils ont fait quand même un bon match. Après, il y avait Nathan qui était blessé, donc c'était un peu compliqué. Après, l'autre équipe, elle a très, très bien joué aussi. Ils ont très, très bien pressé. Après, il y a eu des occasions qu'ils n'ont pas pu finir. Nous aussi, d'ailleurs, on a vu beaucoup d'occasions quand j'ai changé les joueurs à leur, quand j'ai mis les joueurs à leur poste, ils ont beaucoup plus joué parce que je voulais quand même essayer, parce que vu que je viens d'arriver en début d'année, c'est pas trop facile pour moi par rapport au poste, par rapport à changer quelque chose, etc. Et je leur ai remis à leur poste et après, on a vu complètement une autre équipe. Au début, on s'est fait dominer pendant les 10-20 minutes. Par un gré 1-0. Après, on a eu le penalty que notre Mehdi a pu finir. Et c'est à partir de là qu'on a vu un autre Union Portugaise. C'était clairement une autre équipe. Ils jouaient beaucoup plus serein. Techniquement, ils étaient là, à l'aise physiquement aussi. Et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a raté beaucoup d'occasions. Mais on a pu en finir par un 2-1, qui était un match très très serré. Et en tout cas, je salue l'autre équipe parce qu'ils ont tout donné, et nous aussi. Donc, voilà. Et concernant, donc tu nous as déjà parlé du premier buteur, Mehdi. Est-ce que tu as le nom du deuxième buteur qu'on nous salue aussi? Oui, c'est Emmanuel, notre ailier droit, qui a fait un très, très bon match. Très honnêtement, il a quand même pas mal raté. Mais justement, on est là pour les inciter encore à tirer. Et même si c'est une victoire, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à voir, d'autres choses à faire à l'entraînement. Ce n'est pas parce qu'on a gagné ce match-là qu'il faut prendre la confiance ou quoi que ce soit. Je suis très fier de mes joueurs, mais il y a encore des trucs à améliorer et à produire. Ok, donc cette victoire vous permet, donc maintenant au U17, il vous reste quelques matchs à jouer. Ouais. Donc là, vous êtes 7e au classement. Il vous reste, si je ne m'abuse, 2 matchs, c'est ça? Ou, non, un match la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est votre dernier match, donc vous avez possibilité encore, en fonction des résultats évidemment de vos adversaires, mais d'accrocher les premières places du classement. Ouais. C'est un peu, j'imagine, l'état d'esprit des joueurs. Oui, exactement. Je leur ai dit, que ce soit dans la mi-temps ou à la fin, que malgré ce match qu'on a pu gagner, faut encore penser à l'autre match. Faut directement penser dès mardi et jeudi. On va prévoir des entraînements spécifiques pour ce match qui est à venir, des entraînements tactiques, beaucoup de tactiques, parce que physiquement, je pense qu'ils sont assez forts pour ça. Et très honnêtement, j'espère qu'on va passer le même week-end, qu'on va gagner et qu'on va bien célébrer ça comme il faut. Ok, en tout cas, c'est sûr que c'est ce qu'on vous souhaite. Ça sera donc un déplacement, je pense, un peu difficile pour nos U17 qui vont affronter Nancray, donc qui sont 3e au classement. Là, quand on voit le classement et quand on voit, enfin, quand toi, tu vois la qualité de tes joueurs, est-ce que tu penses que leur 7e place n'est pas du tout méritée? Pour moi, oui, leur place n'est pas du tout méritée. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est arrivé en mars, début mars, fin février. Donc, on avait déjà une équipe. On n'a pas pu très bien voir les entraînements, surtout que les entraînements, comme chaque entraîneur connaît, c'est dès août qu'on prépare physiquement, qu'on commence à installer notre rythme d'entraîneur. Moi et Tony qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et c'est dommage parce que ils ont une très très bonne qualité technique. Ils ont quand même un bon esprit d'équipe. Et du coup, je trouve ça dommage. Justement, on va faire tout notre possible pour que ces deux entraînements se passent à merveille, qu'on puisse au moins décrocher les premières places, à peu près. Ok. On va faire juste une petite pause musicale et on revient tout de suite pour aborder un peu toi aussi ton parcours en tant que joueur et aussi du coup en tant que coach nouvel arrivant à l'Union Portugaise. D'accord, donc, ça à tout de suite. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veux pas de nous, non, ne veux plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, je suis touché, bravo ma reine. Vous êtes bien sur 100% Union, l'émission dédiée à l'Union portugaise. Donc, je suis en compagnie de Federico, un des deux coachs de la catégorie U17. Donc, Federico, on va parler un peu plus de toi en tant que joueur et coach. Donc, c'est un peu, enfin, tu peux nous parler un peu de ton parcours footballistique ? Alors, tout d'abord, j'avais commencé en 2016, si je ne m'abuse pas, à l'Union, en U15. C'était ma première équipe ici en France, car je venais d'arriver et pour trouver un club, etc., je ne m'y connaissais pas trop. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Tony qui m'avait prévenu, qui m'a dit qu'il était dans un club et que lui aussi jouait avec d'autres amis. Il m'a dit si je voulais bien venir. J'ai accepté, c'était dans la deuxième période, c'était plutôt en janvier. Si je ne m'abuse pas, et j'ai fait ma licence, j'avais joué, j'avais commencé en milieu centre. C'était mon premier match, j'étais pas trop dedans. Après, j'ai réussi quand même mon premier match à marquer un but, et à partir de là, j'ai fait tous les matchs avec eux. C'était une très très bonne équipe avec Xavier comme coach. On avait une bonne entente, une très très bonne entente. Et en fait, je faisais que de marquer, que de marquer, que de marquer, que de marquer. Les joueurs étaient quand même assez impressionnés. Et ensuite, j'ai quitté l'Union pour aller à Olivet parce que je voulais plus de challenge, bien évidemment, parce que je me suis dit que si je suis déjà là ici, qu'est-ce que ça donnerait si je vais dans un autre club ? J'ai commencé en tant que remplaçant, c'était un peu difficile. Après, j'ai pas lâché et je me suis fait là ma place de titulaire. On avait fait un match qu'on avait perdu contre USO, c'était en U17. C'était vraiment un match très très important, on a perdu 1-0 et après je suis passé à FCO, c'était ma dernière année avant le Covid et on a fait aussi un très très une très très bonne saison avec une bonne entente. Et à partir de là, il y a eu le Covid. J'avais arrêté en U19, donc 3 ans à peu près. Et là, je viens de reprendre en tant que coach des U17. Je prévois aussi l'année prochaine de recommencer en tant que joueur aussi, si c'est possible. Et pourquoi pas aussi faire une formation d'arbitre. Je veux vraiment essayer tous les terrains. Je veux voir vraiment, je veux avoir un point de vue sur chaque poste à peu près, parce qu'entraîneur, arbitre et joueur, c'est pas la même chose. Et c'est plutôt un travail pour moi jusqu'à où je peux aller en fait. D'accord. Voilà. Et donc, enfin, c'est vrai que des arbitres, on n'en voit pas beaucoup qui ont la vocation. En tout cas, j'imagine que ça peut être intéressant pour toi personnellement et puis même pour le club d'avoir un arbitre. Ouais. Toi, ça t'a intéressé depuis longtemps ou c'est juste là maintenant tu dis que ça pourrait être sympa d'essayer ou... Je me dis que maintenant, c'est plutôt maintenant que je me suis intéressé parce que quand je regarde les matchs, etc., j'ai plutôt un avis de joueur. Même si je regarde énormément de matchs, j'analyse, etc., ça serait bien d'avoir un avis, plutôt coach et arbitre, parce que c'est vrai que sur un coup de feu, sur un match, on peut très bien s'énerver, alors que si on est dans la peau d'un arbitre ou la peau d'un coach, on peut très bien comprendre le pourquoi du comment ça se passe, en fait. Et ouais, c'est à partir de cette année. J'avais déjà prévu en U19, c'était, oui, il y a deux ans, c'était de près d'être coach, mais c'est que maintenant que j'aimerais essayer le côté arbitre et surtout apporter au club un arbitre, parce que c'est très, très demandé visiblement dans d'autres clubs, et si ça peut apporter un plus à l'Union et un plus pour moi, bah c'est parfait pour moi. Et du coup là toi t'es passé par plusieurs clubs, les différences, bon, après au niveau justement effectivement Olivier et FCO sont sur des niveaux un peu plus haut que l'Union, mais quelle grosse différence t'as rencontré toi entre chaque club par lesquels t'es passé? Alors la grosse différence, c'est plutôt, je dirais, l'entente et plutôt le niveau. Alors le niveau, bien évidemment, c'est mon meilleur niveau, c'était à Olivier. Vraiment, on avait une très très bonne équipe, etc. On jouait, on faisait des bons entraînements, enfin on faisait même des préparations physiques, chose que je n'étais pas prêt au début. Je me sentais pas trop comme un pro, mais je me rapprochais petit à petit. Et à FCO, c'était plus... là, on est redescendu un peu, c'était plus de la rigolade. Enfin, il y avait du sérieux, mais bon. Et après, comparé à l'Union, c'est vraiment l'entente. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis revenu. C'est l'entente des joueurs. On avait une très, très bonne cohésion. On se connaissait alors que je venais d'arriver en janvier. Mais vu que j'avais des potes à l'extérieur, donc on se connaissait déjà. On jouait beaucoup au foot. Donc en fait, c'est comme si j'étais dans l'équipe depuis septembre, en fait. Et c'est ce qui m'a manqué le plus. Parce que certes, le niveau, ça y joue, mais après, l'Union a un très très bon niveau. Je voulais justement rester aussi pour voir des choses. Après, j'ai fait mon choix. Et en tout cas, la différence, c'est que très honnêtement, c'est plutôt l'entente dans plusieurs clubs. Et voilà. Ok. Et donc là, du coup, t'es revenu à l'Union, comme tu l'as dit. Oui. Donc on t'a proposé tout de suite de prendre les U17, donc qui était donc entraîné par Xavier au début de saison, et oui, du coup comme il avait les U19, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui. Donc toi, t'es coach avec Tony sur cette catégorie-là. Oui, exactement. Quelles sont les difficultés, on va dire, que tu rencontres vis-à-vis de cette catégorie-là et plus généralement au niveau des entraînements ou des matchs? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton rôle de coach? Alors le plus difficile, c'est tout simplement, c'est qu'on vient d'arriver, comme je vous l'ai dit. Donc en fait, il y a déjà un groupe, et donc il faut savoir, par exemple, chose toute bête, décorer tous les noms, savoir qui est qui, dans quel poste, aussi cerner leur attitude. Parce que à premier abord, tu peux voir sur un petit match, mais il faut cerner leur attitude, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, dans quelle manière tu peux leur parler sans pour autant qu'ils le prennent mal. Aussi, c'est que après, bon, ça reste quand même des U17. Ils sont un peu tête en l'air, mais après on essaye de, on essaie justement de faire des choses pour qu'ils restent concentrés. Après, justement, moi je pense que le plus difficile c'est les joueurs, l'entendement, essayer de savoir ce qui se passe, qu'on vient de rentrer, qui joue qui, pour essayer d'en fait pour l'année prochaine changer et mettre notre rythme en fait. C'est, je dirais plutôt ça, le plus difficile c'est s'adapter, surtout qu'on vient de, on vient d'arriver et après ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un peu, je pense que toutes les remarques nous remontent un peu le. Les différents coachs qu'on a pu avoir ici en interview, c'est vrai que le côté gestion d'un groupe, c'est assez compliqué. Enfin, nous pour les plus petits, mais alors vous, j'imagine, c'est encore plus compliqué parce qu'avec les caractères qui s'affirment, ça doit pas être évident, surtout quand on arrive en cours d'année. Est-ce que sur les entraînements, est-ce que sur les matchs, enfin, vous avez quand même des points positifs? Il n'y a pas que des difficultés, j'imagine, oui, il y a aussi du positif. Donc de ce que tu as vu, on a déjà parlé des joueurs qui ont eu des qualités, mais qu'est-ce que tu peux remonter aussi comme point positif sur le début de ton expérience en tant que coach? Alors, il y a des très très bons points positifs, c'est que justement, ils sont quand même à l'écoute. Je sais, il y a certaines équipes, quand j'ai déjà joué contre eux, je vois qu'ils partent même dans senior. Hein. Je vois quand je regarde les matchs de senior, je vois les autres équipes qui pètent des fois d'un câble, qui sortent du terrain comme ça. Enfin, et eux, justement, c'est plus dans les entraînements qu'ils font, on va dire, un petit peu les grosses têtes, mais ça reste quand même tranquille, je trouve. Ça aurait pu être bien pire. Et je trouve que niveau, après le football, niveau techniquement, ils sont quand même assez bien. Il y a des joueurs qui se remarquent, il y a des joueurs qui peuvent très bien jouer en senior que j'ai déjà vu. Et ouais, c'est plus techniquement c'est bien. Après, c'est plus tactiquement le problème. Il faut travailler. Mais techniquement, ils sont à l'aise. L'entente, ça va quand même. Je dis pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais bah, après ça, on peut l'adapter. Et ouais, je pense que c'est vraiment techniquement, ils sont très bien. Ils se comportent quand même assez bien. Et surtout que là, maintenant, ça fait un peu de temps qu'on est avec eux. Donc, et je pense qu'ils ont quand même pris un peu l'habitude de nous voir et un peu de cerner un peu nos caractères avec Tony. Et donc là, du coup, je vais revenir un peu à ce que tu nous avais dit sur l'arbitrage. Quand tu les vois, toi, en match, et la manière dont ils gèrent un peu les décisions arbitrales, toi, ça te fait pas peur d'être arbitre et de devoir gérer justement toutes ces remarques, toutes ces critiques, et des fois même pire que des critiques? Alors oui, bien évidemment, ça me fait peur, surtout que je peux des fois réagir au quart de tour, mais justement, c'est ce qui m'intéresse. C'est justement, comme je l'ai dit, c'est de voir vraiment mes limites, mais pas que. En fait, c'est justement apprendre un peu plus à connaître le monde d'arbitrage et surtout apprendre à canaliser, à observer et à analyser en fait que réagir sur le quart de tour, que ce soit en tant que joueur, entraîneur ou même arbitre. C'est parce que, comme l'avait dit, il y a des fois ça peut très bien, très vite dégénérer. Donc justement, c'est ce qui me plaît, c'est clairement changer de niveau en fait. Et je pense que j'ai peur, mais je pense que je pourrais faire un bon arbitre plus tard. D'accord. Et au niveau du coaching, donc tu as commencé tout de suite avec du foot à 11, donc avec les U17, est-ce que tenter d'entraîner des catégories plus jeunes, est-ce que ça peut t'intéresser aussi ou pas forcément? Tu as vraiment plus envie de te baser sur du foot à 11? Ouais, je pense que vraiment je pourrais me. C'est pour moi, ouais, je trouve que pour moi, c'est mieux d'entraîner le foot à 11, pas parce que c'est des petits, mais justement parce que ma vision de jeu, en fait, ce que je compte préparer, et surtout quand je me base sur mes connaissances, ça va plus à des gens qui ont 17 ans, 18 ans, qui savent un peu, qui comprennent en fait les choses que je demande, et surtout que des fois, voilà, je peux très bien demander des choses que peut-être les petits ne connaisseront pas et qu'il faut entraîner bien, bien, bien avant, alors que les 17, ils sont déjà un peu entraînés, donc c'est un peu plus facile. Et du coup, non, ça m'intéresse la catégorie des U15, U17 et après jusqu'au senior, quoi. D'accord. Et j'imagine que vous rencontrez aussi, vous, ce problème en U17, c'est un peu... la disparité de niveau entre les joueurs, comme nous on peut rencontrer aussi avec les plus petits. J'imagine que vous en avez qui font du foot depuis très longtemps, et puis on a peut-être quelques-uns qui cette année se sont dit pourquoi pas essayer le foot. Est-ce que c'est compliqué de gérer un peu ces différents niveaux, ou vous arrivez quand même par l'effet de groupe justement à faire travailler tout le monde à peu près de la même manière? Alors oui, on a justement, je trouve que c'est plutôt 50-50, c'est un peu compliqué des fois, mais on arrive quand même à les gérer par rapport aux entraînements et aux matchs. Surtout, comme je le dis, ce qui fait pour moi un groupe de football, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que si les gens commencent à critiquer parce qu'il fait des erreurs, etc., ça ne va pas. Ça, je l'ai dit en story depuis le début, je l'aurais toujours dit. Que même si on rate, tout le monde peut rater, comme on peut regarder dans les matchs professionnels. On peut rater une passe, on peut rater un tir devant le gardien, alors que ce sont des professionnels, ils gagnent de l'argent pour faire ça. Clairement, pour moi, même si on commence à l'âge de 18 ans, ce n'est pas grave. Après, c'est à nous les entraîneurs de gérer, et on arrive quand même à gérer, on les met dans les postes les moins dangereux, c'est-à-dire plus en attaque, etc., pour leur donner un peu plus de confiance. On travaille en entraînement, on leur demande de faire un tout petit peu plus niveau techniquement pour comme ça se mettre dans la valeur des autres, comme ça ils ne perdent pas trop de temps. On ne compte pas les mettre à l'écart, parce que je trouve que c'est une méthode qui n'est pas bonne. Après ouais non, ça va, on arrive à gérer avec mon collègue. Ok, ça marche. Donc toi, ton collègue, donc Tony, qui est pas là, qui peut pas être là avec nous ce soir, mais donc tu disais que ça faisait longtemps que tu le connaissais. Vous avez pas des fois des clashs entre guillemets entre coachs, parce que y en a un qui veut plutôt faire ci, l'autre veut plutôt faire ça, ou y en a un qui prendrait plutôt un joueur et l'autre prendrait plutôt l'autre? Alors non, justement, vu qu'on se connaît, on a ce qui est bénéfique pour nous, c'est qu'on a la même vision de foot, c'est-à-dire qu'on se comprend mutuellement. Après, bien évidemment, il a envie de faire ça et moi j'ai envie de faire ça. Après, on essaye ce côté-là, c'est-à-dire qu'il essaye celui-là. Si ça ne marche pas, on va essayer ma méthode. C'est-à-dire qu'on laisse, on va obliger quelqu'un à faire ça. Non, on va essayer. Et après, si ça ne marche pas, on va essayer ma méthode, etc. Et non, après, vu qu'on se connaît très longtemps, bien évidemment, entre amis, on se clash, voilà quoi. Mais après, c'est entre nous. Mais quand on est dans le monde du foot, on a une très belle complicité, on se comprend, on se connaît, on regarde énormément de matchs, on analyse ensemble, etc. Donc c'est plutôt pas une bénédiction, mais c'est plutôt un outil pour moi, parce que vu qu'on a la même conception du foot, et bah ça nous aide beaucoup pour les matchs en fait. D'accord. Et du coup, quand vous avez pris l'équipe en main des U17, est-ce qu'on vous a donné des objectifs, ou est-ce que vous-même vous êtes mis des objectifs, notamment au classement, ou par exemple en termes de ce que vous voudriez, vous, ce que les joueurs mettent en place, ou... Alors, on s'est plutôt mis en objectif, moi et mon collègue, justement, en fait, c'est de déjà cette saison la finir quand même bien. Pour prouver que justement, voilà, on vient d'un coup d'année, mais on est sérieux. Et pour l'année prochaine, complètement changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, déjà, comme je vous ai dit, comment ça peut s'en U15, c'est l'entente. Pour moi, l'entente, il faut qu'elle soit à 100%. Après, il y a l'exercice. Après, on va faire des petits jeux, des amusements, peut-être des sorties, pour en fait essayer de vraiment de créer un groupe et de faire en sorte qu'ils passent la meilleure année possible, c'est-à-dire gagner le plus possible. Et même si on aura des coupes, pardon, des matchs de coupe, et bah essayer d'aller le plus loin possible et travailler pour qu'ils s'amusent, et surtout que ça soit bénéfique pour l'équipe et pour nous en fait. D'accord. Donc vous, votre principal objectif, donc pour le début de la saison prochaine, ce sera vraiment de fomenter l'esprit de groupe entre les joueurs, plutôt que d'abord. On va d'abord s'occuper de ça avant de s'occuper du foot. Oui, c'est ça. Parce que là, déjà, on commence à petit à petit. Parce que comme on vient de, voilà, je vais pas former un groupe maintenant alors qu'on est déjà à la fin de saison. Mais vraiment, le but, c'est de l'instaurer un petit, genre, on va dire 50% de l'entente, pour que quand on arrive en début de saison, on arrive à instaurer ça très vite. Comme ça, on passe directement à autre chose, parce que comme je l'ai dit, pour moi, le foot, c'est vraiment l'entente. Si on se connaît déjà, et que si on sait ce qu'on attend de l'autre, et qu'ils se connaissent aussi entre eux,

vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, toujours 100% Union. Je suis toujours en compagnie de Federico, donc un des deux coachs des U17. Donc Federico, juste pour revenir un peu sur votre saison qui va se terminer, j'ai dit tout à l'heure qu'il vous restait plus qu'un match, mais finalement après vérification, vous en avez deux. Donc vous avez deux déplacements, donc samedi prochain et samedi suivant à Pithiviers. Donc oui. Est-ce que justement, donc ça c'est une question qu'on aborde souvent avec avec nos éducateurs qu'on reçoit, les déplacements, surtout là du coup deux déplacements qui sont assez loin dans le département, c'est compliqué à gérer avec la catégorie des U17 ou pas forcément? Oui, c'est un peu compliqué parce que déjà l'heure de rendez-vous c'est un peu plus en avance. Après, il faut voir le moyen de transport. Il faut qu'on règle ça. Oui, ça va, c'est un peu compliqué, mais je pense que ce n'est pas très difficile non plus. Après, s'ils respectent l'heure, etc., je pense que ça devrait bien se passer. Et puis, ben, je pense qu'ils sont motivés pour nous ramener les deux dernières victoires afin de remonter au classement. Donc, j'espère que vous aurez assez de joueurs donc pour ces deux derniers matchs. Et donc on va pouvoir aborder donc la fin de saison. Donc là on en a parlé. Donc on peut déjà parler de la saison à venir. Donc sur votre groupe là que vous avez cette année, donc on a des premières et des deuxièmes années. Donc j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont monter en U19, mais il vous reste de quoi, je pense, faire un groupe U17 l'année prochaine. Donc vos objectifs, tout à l'heure, tu nous en as déjà un peu parlé, surtout au niveau humain. Après, niveau footballistique, qu'est-ce que vous pouvez envisager pour nos U17 la saison prochaine? C'est très simple. Niveau footballistique, je veux qu'il soit, enfin, on va faire en sorte, mais vraiment en sorte qu'il soit numéro un et qu'il gagne le plus possible et qu'on soit efficace devant les buts, il faut que j'aie un très très bon milieu et je vais faire en sorte avec mon collègue d'arriver numéro un. Ok, donc là, vous êtes en départemental 1, donc niveau 1 pour les U17. Donc c'est vrai que j'avais pu interviewer, donc quand Xavier était encore coach, il était assez surpris que le district ait mis donc ses U17 en niveau 1. Donc finalement, vous avez quand même pas fait un parcours. Vous avez quand même fait un bon parcours, je dirais, en niveau 1. Donc ça serait vraiment à garder pour la saison prochaine et quitte à aller un peu plus loin si possible. Oui, j'ai vu leur match, j'ai vu de quoi ils étaient capables. Très honnêtement, moi je suis franc, quand je vois qu'une équipe n'est pas capable, je leur dis, mais là je vois qu'ils sont capables, ils ont un très très bon effectif. Après, le seul problème, c'est qu'il faut travailler à l'entraînement, c'est qu'il faut tactiquement. Et donc on va travailler ça. Après ça, c'est à nous de gérer, nous les coachs, et justement on va voir si on est capable justement de ramener cette équipe le plus loin possible. Et le travail tactique, vous, est-ce que vous l'avez déjà mis en place, ou est-ce que comment vous arrivez à le mettre en place? C'est plus par exemple du travail sur tableau comme on peut voir avec certains coachs, ou c'est vraiment on leur montre physiquement sur le terrain comment se placer ou... Alors pour le travail tactiquement, oui, en fait ça va être un peu des deux, c'est-à-dire que ça va être on monte sur leur terrain, mais aussi sur le tableau, c'est-à-dire qu'on va très clairement leur demander des placements pour en fait déséquilibrer l'adversaire, pour les embrouiller, jeu de passe. Mon autre but en fait c'est de faire vivre le plus de ballons, et je sais que tactiquement il faut changer pas mal de choses, même la tactique. On va essayer de reproduire une autre tactique et on va essayer d'adapter, avoir au moins trois tactiques minimum pour essayer d'adapter sur chaque équipe. C'est-à-dire que si on voit une équipe qui est en première du classement pour l'instant, qui a une grosse différence par rapport à les buts, on va déployer une tactique plutôt défensive. Et comme je l'ai dit, oui, ça va être très très important et on espère de réussir. Donc en gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que vous allez vous adapter en fait aux équipes contre qui vous allez jouer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que on va premièrement travailler notre tactique, et après au fur et à mesure on va adapter plusieurs tactiques en fonction des équipes à laquelle on affronte. D'accord. Et est-ce que, un peu comme dans le foot pro, est-ce que ça pourra vous arriver ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous déplacer, voir deux adversaires potentiels et de voir comment ils jouaient, afin après vous de vous adapter ou c'est pas forcément pour l'instant votre priorité ? Alors non, ça m'est pas arrivé, mais franchement, pourquoi pas ? Si après ils sont pas trop loin, moi ça me dérange pas, je regarde comment ils jouent, je note et pourquoi pas, ouais, ça serait une très bonne idée. Surtout que vu qu'on est deux coachs, on peut très bien demander à un et à l'autre de faire ça, surtout que vu qu'on prend ça très au sérieux. Ouais, je pense que plutôt l'année prochaine on va commencer à faire ça, ouais. C'est vrai que, enfin, on a déjà reçu donc quelques coachs et on a notamment une coach en U11 qui a pu le faire à plusieurs occasions et enfin le message qu'elle nous passe après c'est que c'est intéressant déjà de repérer par exemple les meilleurs éléments des équipes et savoir qui on doit cibler sur le match et ça permet parfois aussi de gagner des matchs parce qu'on a un peu repéré leurs points forts et on a réussi à travailler dessus quoi. Ouais, vous avez raison. Oui, c'est quelque chose qui est bénéfique, que ce soit dans le monde pro ou que ce soit dans les amateurs. Ça permet justement de voir les faiblesses, de voir à peu près leur tactique, comment ils jouent, dans quel positionnement ils sont et quelles sont les failles qu'on peut exploiter. Ouais. Donc voilà, après ça, c'est vrai que ça peut toujours servir. Après, en fonction des déplacements, puisque effectivement, là, vous avez eu un groupe où il y avait des joueurs, enfin, il y avait des équipes assez lointaines, notamment, ouais. Je pense à Pithiviers ou à Nancray, ou même l'équipe là, de la Vallée de Loine. Donc c'est vrai que ça fait des sacrés déplacements. Donc j'imagine que vous n'allez pas vous embêter tous les week-ends à y aller. Mais bon, sur les équipes qui sont dans l'agglo, oui, pourquoi pas éventuellement envisager d'aller un peu espionner, entre guillemets, un peu les adversaires. Oui, oui. Sur toi, l'équipe que tu imagines pour l'année prochaine, ton travail passera un peu plus sur quoi ? Sur du défensif, sur de l'offensif ? Toi, à la base, tu es un joueur plutôt quoi, offensif ? Je suis un joueur plutôt offensif, mais après, je vais passer plus dans le milieu central, qui est un des postes un des plus durs, parce que c'est là où tout se passe. C'est vraiment le terrain le plus dense. Enfin, c'est très, très compliqué de gérer. Comme je pense que tout le monde le sait, si un milieu de terrain est mort, bah, presque toute l'équipe a tombé. Et après, on va plus adapter notre jeu dans le sens... On va imposer notre jeu plus offensif que défensif, parce que bien évidemment, on a des joueurs pour. On a des joueurs qui sont très très offensifs, qui peuvent éliminer à deux, à trois joueurs. S'ils sont vraiment concentrés, plutôt sur les côtés, on a le seul problème, c'est notre finition. Après, on va en travailler. Mais si on arrive à travailler la finition avec nos deux ailiers qui vont très très vite, qui sont quand même assez techniques, je pense qu'on va vraiment exploiter beaucoup de buts. Et moi, pour moi, il faut qu'on travaille beaucoup le système offensif. Après, le système défensif et les milieux, il faut quand même aussi travailler. Mais ça sera un peu plus, ça sera moins que le système offensif parce que j'ai bien évidemment vu en tant qu'attaquant, que j'étais attaquant avant, que c'est très très important. Ça peut changer beaucoup de fois le match, même si par exemple on en prend un ou deux, si on arrive à en mettre trois sur les occasions qu'on rate, par exemple si on rate en moins 10, qu'on arrive à en mettre trois, c'est déjà bénéfique. Et je pense qu'on va plus travailler au niveau offensif. Okay. Et toi, donc, tu nous as dit que tu aimerais reprendre aussi le foot. Ça sera plus sur un côté loisir ou ça sera vraiment reprendre aussi dans la compétition, si c'est possible, évidemment. Alors oui, ça sera vraiment pour reprendre la compétition, d'aller le plus loin possible. Je sais que j'en suis capable. Je me auto-analyse. Je suis très très exigeant avec moi-même, c'est-à-dire que je ne vais pas me surestimer parce que j'ai fait un bon match ou pas. C'est que je regarde mon niveau, je regarde comment je joue, regarde ce que je fais. Et par exemple, un truc tout bête, c'est que je vais des fois sur YouTube pour regarder comment les joueurs à ma place joueront. Et c'est là que je me compare pour voir si qu'est-ce que je peux faire de mieux ou pas. C'est que je suis toujours faut que je me dépasse pour moi-même. Et c'est très important d'avoir des objectifs personnels. Et ouais, je pense que je vais complètement changer de mon système de jeu, que je vais essayer quelque chose d'autre, comme je vous ai dit, en tant que milieu central, entre milieu central et milieu offensif. Et je travaille pour cet été. Je vais travailler niveau physiquement et niveau tactiquement et même techniquement pour donner le plus de points, plus de 3 points possibles à l'Union. Ok, ça marche. Donc en gros, là, ce que tu nous dis un peu, c'est que ton année prochaine, ça sera quasiment 100% foot entre les entraînements et entre toi-même joueur, du coup. Oui, exactement. C'est le foot depuis que je suis tout petit. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mon père lui-même a été joueur professionnel en Portugal. Et je veux peut-être... Je me crois peut-être, parce qu'à ce maintenant on peut le voir que même des joueurs qui ont 24 ans, qui ont 25 ans, qui ont 26 ans, qui percent quand même, que ce soit en national ou peut-être en pro de Ligue 2. Donc moi je pense que je suis capable. Il faut travailler sur les plans offensifs, sur mes qualités, sur mon physique. Et c'est quelque chose qui me passionne depuis. Mon joueur préféré, Ronaldo, je le vois jouer, ça me motive encore plus. Et j'espère que je pourrai aller le plus loin possible. Donc le fait que ton père ait joué au Portugal, c'est un peu aussi ce qui t'a ramené à l'Union portugaise, ou c'est vraiment à la base que parce que ton pote Tony y était? Non, c'est aussi par rapport à mon père, parce que enfin moi je suis rattaché au Portugal parce que je suis né là-bas, et donc tout ce qui est enfin ça m'a un peu motivé de jouer à l'Union portugaise. Je voulais savoir comment c'est, surtout qu'aussi ici en France, je voulais savoir comment c'est, etc., l'entente et tout. Et du coup, non, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé ce club. C'est pour ça que je reviens après tant d'années. Et j'espère justement faire le plus possible pour le club. Ok, bon, en tout cas, on espère... on te souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Merci. Donc, comme tu l'as dit, et puis c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec pas mal de joueurs qui sont déjà venus... qui étaient plus jeunes, hein, je vais te le dire, mais qui rêvaient aussi d'être footballeur professionnel. Donc après, c'est vrai que nous, ce qu'on leur dit, c'est ça passe par le travail et surtout par la motivation. Donc et ça, le dépassement de soi, c'est aussi quelque chose que tu veux inculquer à tes joueurs, leur montrer qu'ils peuvent toujours faire mieux et qu'il y a toujours possibilité de progresser, même s'ils sont déjà très bons. Ah oui, je clairement, c'est un des trucs primordiaux que je leur installe, c'est clairement, c'est vraiment c'est pour se dépasser soi-même, parce que certes, le faire pour des raisons, pour quelqu'un d'autre, ou puis parce qu'on a envie de faire ça, c'est bien, mais il faut avoir un but dans la vie. On peut pas, moi je trouve qu'on ne peut pas errer comme ça sans rien faire. Faut toujours se dépasser, faut toujours être le meilleur de soi-même pour montrer qu'on est capable de faire tout et n'importe quoi. Et justement, c'est ce que je leur inculque. Même par exemple, quand on commence à gagner le match, même si il y a 2-1, 3-0, 4-0, même s'il y aura un jour 7-0, 8-0, je vais toujours leur donner le maximum de chez maximum. Comme ça, ils vont même pas regretter le jour où ils perdront. C'est quelque chose que j'inculque, ouais, dès le départ, en fait. Donc après, oui, c'est vrai que c'est ce que nous, on dit aux petits. Bon, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont déjà un talent et c'est indéniable, mais la plupart, ça passe par le travail. Et c'est vrai que même si un joueur moyen, comme nous, on peut avoir avec les petits, généralement, c'est ceux qui vont en plus se donner à fond et qui vont pouvoir dépasser les autres justement par le travail. Donc il n'y a pas que le talent, il faut aussi travailler, quoi. Oui, c'est exactement, comme preuve, les plus grands joueurs au foot, Ronaldo, Messi, ils ont un talent inné, mais pourtant ils ont travaillé, ils ont passé un peu comme tout le monde, ils ont fait des sortes de formations, ils ont vu qu'ils étaient très très au-dessus, sauf qu'ils travaillent comme mon idole Ronaldo, il travaille tous les jours. On apprend que même à la fin de l'entraînement, il passe encore 2 heures en train de s'entraîner. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup ne font pas. Et c'est quelque chose qui fait la différence, parce que c'est pour ça que j'aime autant ce joueur, c'est qu'il montre que le travail paye. Et justement, c'est ce que j'essaie d'inculquer, c'est même si tu es bon, même si techniquement tu es bon, tu es au-dessus, tu es peut-être fait pour une autre équipe, il faut toujours travailler, parce que ce n'est pas, des fois, le foot, ça peut être la chance, mais ça peut être la détermination, et c'est pas que techniquement que ça se joue, en fait. Ok, bah, en tout cas, si t'es joueur, et puis si nos licenciés, nos jeunes joueurs nous écoutent aussi, donc c'est vraiment important de travailler, et il faut jamais baisser les bras, parce qu'on sait jamais, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont repérés un peu plus tard, il y en a qui le sont plus jeunes, mais il y en a qui le sont plus tard, donc il faut vraiment pas baisser les bras, il faut vraiment y croire jusqu'au bout. Oui. On va faire juste une petite pause musicale, on reviendra ensuite avec le programme du week-end, et puis je te laisserai le mot de la fin pour cette émission du jour. Oui, merci. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Vous êtes bien sur 100% Union. On va aborder tout de suite le programme de la semaine à venir. Donc semaine chargée pour nos U11 qui vont faire deux matchs. Donc un match mercredi, donc notre équipe 2 et notre équipe 3 face à Jargeau-Saint-Denis, mercredi à 17h30. On aura aussi un match en retard des U13, donc mercredi à 15h30. Et ensuite, comme habituellement, tous les samedis. Donc, on démarre samedi avec nos trois équipes U11 qui jouent à domicile, donc à Lillaro. L'équipe 1 affrontera Beaugency. L'équipe 2, Beaugency. L'équipe 2 de Beaugency. Et l'équipe 3 recevra Jouy-le-Potier. Ensuite, un peu plus tard dans l'après-midi, donc nos U17 donc de Federico se déplaceront à Nancray à 15h. Suivra ensuite un match à domicile pour nos U19 face à Mandoré, donc une confrontation très importante pour la première place. Et le week-end se terminera avec un match de l'équipe senior qui recevra Bonny-Beaulieu, donc une finale, comme l'a dit le coach tout à l'heure, un match qu'il faut impérativement gagner. J'ai quelques anniversaires à souhaiter. Donc hier, nous fêtions l'anniversaire de Raphaël, un joueur U11. Vendredi, nous fêterons l'anniversaire de Baba, un joueur à toi, Federico. Oui. Vendredi aussi, l'anniversaire d'Enzo, pardon, un joueur U11. Donc Federico, merci à toi d'être venu aujourd'hui, de nous avoir un peu éclairé sur ta catégorie, puis sur toi, sur tes ambitions un peu personnelles aussi. En tout cas, on te souhaite pour le match de samedi une victoire de nos joueurs, pareil pour le samedi suivant, et puis une bonne fin de saison. Et puis, je te laisse, si tu veux saluer quelqu'un en particulier, n'hésite pas, je te laisse le micro. J'aimerais saluer mon collègue Tony qui n'a pas été présent, je sais qu'il aimerait bien venir. C'est quelque chose qui est très important pour lui, donc je le salue et j'espère que l'Union va gagner énormément de matchs, que ce soit en tant que senior, en U11, n'importe quelle catégorie, et qu'on montre que l'Union est capable de faire beaucoup de choses. Voilà. Ok, en tout cas, on le souhaite évidemment pour toutes nos catégories qui seront sur les terrains ce mercredi et ce week-end. Donc une bonne semaine à tous. Entraînement donc le mardi et le jeudi encore, hein, ça continue encore un petit peu jusqu'à la fin de la saison. Match pour nos équipes le samedi. Une bonne semaine de travail pour tout le monde et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Donc je vous laisse en compagnie de Manu et bonne fin de soirée à tous. Merci à vous aussi. Come on, we not let you go.